oui, s'il ne fait plus aucun doute aujourd'hui que l'Afrique est donc le berceau de l'humanité, cela n'a pas toujours été le cas. Au début du XXe siècle, une partie des paléontologues envisage l'Asie comme point de départ des différentes branches que l'on découvre l'une après l'autre du genre Homo. Et puis, fouille après fouille, l'Afrique s'est révélée d'une richesse et d'une densité qui ont chassé tous les doutes. Et pourtant, eh bien, depuis quelques années, quelques découvertes, Denisova au Tibet, les hommes de Flores et de Luzon, les mystérieux hommes du cerf rouge, l'Asie trouve un important regain d'intérêt dans l'histoire de la diversification et des migrations préhumaines. Paléo-anthropologie, l'Asie, l'ando de l'humanité, c'est le programme originel qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour examiner ces hypothèses qui feraient de l'Asie, non pas donc le berceau, mais le lando, l'étape d'après, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Jacques Hublin. Bonjour. Bonjour. Paléo-anthropologue, professeur au Max Planck Institute de Leipzig et titulaire de la chaire de paléo-anthropologie au Collège de France. Et Amélie Vialet, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en paléo-anthropologie au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous pouvez nous suivre comme tous les jours en complément de cette émission en vous abonnant à notre fil Twitter @laméthodefc où on va poster eh bien, tout au long de cette heure des liens, des articles, des références pour compléter l'écoute donc de cette émission. Et eh bien pour revenir au point de départ qui nous a amené à faire justement ce programme aujourd'hui, nous avons tous grandi en apprenant que l'Afrique était donc ce fameux berceau de l'humanité. On oublie que ça n'était pas la thèse la plus courante aux origines de la paléontologie dès le 19e siècle. La recherche des origines de l'homme se dirige plutôt vers l'Asie que vers l'Afrique, une hypothèse qui a encore ses partisans en 1954, comme vous allez l'entendre dans cet archive de la radiodiffusion française. Je ne crois pas que le phénomène homme, qui est un phénomène extrêmement complexe, ait pu se produire dans différents endroits du monde à la fois. Je crois qu'il y a eu un centre d'apparition de l'homme parce que les conditions multiples qui étaient nécessaires à cette apparition se sont trouvées réalisées et que c'est de là que l'homme a colonisé la Terre et a couvert la Terre de sa civilisation. Monsieur Hartweg, je suis aussi de l'avis du professeur Rivet. Je crois qu'après une phase monogéniste qui a été suivie par une phase polygéniste, on a tendance maintenant et avec raison à revenir à une théorie monogéniste. Toutefois, je ne suis pas absolument de l'avis de l'auteur de ce livre, qui insiste, comme disait le professeur Rivet, sur l'origine africaine de l'homme, et je crois pour ma part qu'il faut chercher son origine en Afrique, soit en Asie. Ou en Indonésie. C'est-à-dire soit en Asie du Sud, soit même peut-être un peu plus haut, oui, dans l'Asie centrale. Voilà ce joli lapsus à l'antenne de Que sait-on aujourd'hui de l'origine de l'homme? C'était le 2 juin 1954, Paul Rivet et Raoul Hartweg sur cette origine, hein, ce berceau qui était encore en 1954. L'Asie avait encore des partisans, Jean-Jacques Hublin. Oui, les premières recherches en dehors d'Europe ont porté sur l'Asie, enfin sur l'Indonésie. Et si Darwin avait déjà bien compris l'importance de l'Afrique pour l'origine des hominines, eh bien son soutien le plus fervent sur le continent européen, qui était Ernst Haeckel, lui défendait l'idée que c'était un continent englouti quelque part dans l'océan Indien qui avait été le berceau des hommes. Et il voyait dans cette origine, il en voyait la preuve dans une parenté qu'il croyait reconnaître entre les grands singes asiatiques et l'homme. Et cette idée qui ensuite a été totalement démentie, hein, a quand même servi de base, d'argument, aux premières recherches en Indonésie par Eugène Dubois qui ont amené à la découverte du premier Homo erectus. Et ensuite, il y a eu pendant très longtemps des débats sur où se trouvait le berceau de l'humanité. Et un de mes prédécesseurs au Collège de France, qui était l'abbé Breuil, figure emblématique de la préhistoire française, disait en forme de boutade que le berceau de l'humanité, il ne savait pas très bien où c'était, mais que c'était sûrement un berceau à roulettes. C'est une sorte de bon résumé de ce que nous allons nous raconter au cours de cette heure. Amélie Vialet, votre réaction à cette archive et plus généralement effectivement à ce berceau mouvant ou à ce berceau à roulettes entre l'Afrique et l'Asie, même si maintenant on a calé les roulettes bien fermement en Afrique. Oui, c'est ça. Pour continuer un peu l'histoire, on peut aller vers l'Asie continentale, vers la Chine. Et donc après, juste après, dans les années 30, c'est l'histoire de l'homme de Pékin, mm-hmm. avec une communauté déjà assez internationale. Hein, l'abbé Breuil, par exemple, qui... pas l'abbé Breuil, il va passer hein, dans les mm-hmm. années 30, c'est vrai, mais c'est surtout le père Teilhard de Chardin qui est sur place. Et donc, dans les années de 1927 à 1937, la fouille du site de Choukoutienne va vraiment occuper, je pense, la scène paléanthropologique. Et la paléanthropologie se fait à cette époque-là en Asie et notamment en Chine. On reparlera hein, de cet homme de Pékin qui a une histoire presque digne d'un scénario d'Indiana Jones, puisqu'on va perdre ses traces au moment de l'invasion du Japon. Un mot peut-être, Jean-Jacques Hublin, sur l'évolution de ce paradigme. À quel moment, disons que, justement, est-ce qu'on a calé les roulettes de ce berceau? À quel moment l'Afrique est devenue incontestablement et reconnue de manière internationale comme étant vraiment le berceau, l'endroit où se sont diversifiées les différentes espèces d'hominines? Alors en 1924, on publie la découverte du premier australopithèque en Afrique du Sud. Et donc cet australopithèque, hein, singe austral, c'est un être qui, en tout cas pour son découvreur, Raymond Dart, est une forme intermédiaire entre les grands singes et l'homme. Et donc, encore une fois, quelque chose qui confirme les vues de Charles Darwin. Alors cette découverte, elle va être reçue avec une certaine dose de scepticisme, comme c'est souvent le cas en paléanthropologie d'ailleurs. Et une des raisons, c'est quand même que il faut bien dire qu'à côté de l'Asie, il y a quand même l'Europe hein, qui compte. Et donc la paléanthropologie est née en Europe. Les paléanthropologues sont des Européens. Et donc très longtemps, on va avoir du mal quand même à imaginer que l'Europe n'est pas le centre du monde. Et en particulier, à l'époque où on trouve les premiers australopithèques, eh bien, il y a ce fameux homme de Piltdown en Europe. Dont plus tard, on va se rendre compte que c'est une supercherie, un faux. Qui semble confirmer que l'homme est apparu très loin dans le quaternaire, non seulement en Europe, mais même en Angleterre. Hein on peut rappeler que c'était l'adjonction d'une mandibule de chimpanzé à un crâne d'Homo sapiens, c'est ça Une chimpanzé peut-être d'orang-outan plutôt, mais enfin, c'est un faux, quoi. Composite. Voilà. Hein. Et alors, à la suite des découvertes d'Australopithèque, des premières découvertes en Afrique du Sud, eh bien, dans les années 30, il va y avoir les travaux de Broom, et puis ensuite, beaucoup plus tard, le centre d'intérêt va se déplacer vers l'Afrique de l'Est avec les travaux de la famille Leakey. Mais toutes ces découvertes, dans le fond, vont montrer que nulle part ailleurs dans le monde, on a des choses aussi anciennes. Hein, donc c'est vraiment au milieu du XXe siècle qu'on va définitivement ancrer l'origine, sinon de l'homme actuel, mais en tout cas des hominines, des parents de l'homme actuel en Afrique. Et puis il va y avoir aussi, s'ajoute à cela Amélie Vialet, des raisons géopolitiques qui font qu'à partir de la Deuxième Guerre mondiale, les fouilles en Asie sont quasiment, en tout cas les fouilles européennes sont interrompues, les fouilles internationales. Oui, très clairement. Je crois que ce que Yves Coppens s'est appelé la ruée vers l'os, donc vers l'Afrique, l'Afrique de l'Est notamment, tient cette raison-là, quoi. C'est-à-dire que en fait, la Chine va se fermer totalement du fait de la guerre, et puis ensuite, du fait des orientations politiques qui sont prises, et finalement, la Chine ne va se réouvrir que très récemment, dans les années 80-90. On recommence vraiment à travailler dans un cadre pluridisciplinaire et international dans les années 2000. Donc, il est très clair qu'on avait une espèce de mur de Berlin, en tout cas vers l'Est et vers ces territoires. Jean-Jacques Hublin, vous appelez l'Asie aujourd'hui la belle au bois dormant de la paléoanthropologie, pourquoi ? Ben oui, parce que donc il y a eu cette, si je peux dire, la haute époque hein, des recherches en Asie à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et puis effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, alors il va y avoir des recherches en Asie, hein, il va y avoir des recherches en Chine, mais menées par les Chinois uniquement. Et avec là aussi des ambitions très géopolitiquement marquées, dirons-nous. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'à l'époque, au milieu du XXe siècle, il y a un modèle pour l'apparition de l'homme moderne qui est très en faveur, qui est un modèle qu'on appelle polycentrique, qu'on a appelé ensuite multirégional, et dans le fond qui enracine chaque groupe humain actuel dans des formes archaïques locales. Et donc l'idée, c'est que les habitants de Pékin d'aujourd'hui sont les descendants directs des Homo erectus de la colline aux eaux de dragon de Zhuguyuan. Ça, les chercheurs chinois, et je dirais les autorités chinoises, aiment bien ça. Hein. Et donc, toutes les découvertes qui vont s'opérer en Chine, parce que c'est surtout en Chine que ça se passe, eh bien, vont être intégrées avec plus ou moins de facilité dans ce schéma. Ensuite, il y a aussi, au-delà des conditions politiques, des conditions de sécurité, etc., il y a vraiment des... Je dirais des différences culturelles. Hein. C'est très fascinant de voir que la Chine a continué, malgré tout, à s'intéresser énormément à la question des origines. Hein. C'est une question importante, je dirais, dans la culture chinoise. Et que d'autres grandes nations asiatiques, je pense à l'Inde, par exemple, eh bien, vont, dans le fond, répondre aux questionnements sur la question des origines, bah, de façon différente, par la religion, par l'histoire. En tout cas, très peu de recherches paléanthropologiques. Et donc, on a, jusqu'il y a environ 15-20 ans, pas plus, hein, on a une scène asiatique qui est dominée par la Chine. C'est là qu'on a presque toutes les découvertes. Et ces découvertes sont intégrées dans un cadre qui aujourd'hui a été quasiment complètement abandonné. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il faut penser autrement l'évolution humaine récente. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h10 sur France Culture, nous parlons donc de l'Asie et de la recherche en paléoanthropologie florissant ces dernières années compte tenu d'un certain nombre de découvertes et du cadre géopolitique et historique que nous venons de décrire. Nous en parlons avec Jean-Jacques Hublin et Amélie Vialet. Peut-être avant de se concentrer justement sur ces récentes découvertes de ces 15-20 dernières années en Asie, peut-être redire un mot Amélie Vialet sur ce que l'on sait aujourd'hui et ce que l'on a établi de manière en tout cas relativement consensuelle sur les sorties d'Afrique, puisqu'on a souvent parlé de la sortie d'Afrique. Or, on sait aujourd'hui qu'il y en a eu plusieurs et de différentes espèces. Oui, on n'a pas énormément d'informations là-dessus, hein, mais beaucoup de suspicions, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, les premiers Homo habilis apparaissent en Afrique dans l'état actuel des connaissances à 2,8 millions d'années. Il faut attendre un petit peu avant qu'on ait les premiers homininés en dehors de l'Afrique. Hein, les fossiles d'homininés, on va les avoir pas très loin, à la sortie de l'Afrique, en Géorgie. Ils sont datés de 1,8 million d'années. Donc il y a un petit décalage qui laisse à penser qu'il y a un phénomène d'expansion et de diffusion. Après, c'est vrai que nous, on a travaillé récemment là en Turquie. On a mis en évidence, enfin, on a mis au jour un crâne de petite dimension attribué globalement un Homo erectus qui est daté entre 1,6 et 1,2 million d'années et qui est un petit peu différent des fossiles de Géorgie. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas une sortie, mais plusieurs sorties. Elle est d'ailleurs documentée sur d'autres bases. Hein. Et des traces d'Homo erectus, on en trouve, on en a un certain nombre en Asie qui laisse penser qu'il y a eu effectivement un schéma d'expansion territoriale au cours du temps, vraiment à très très long cours. Voilà, et qui va assez vite encore une fois, hein, puisque autour de 1,8 million d'années, 1,5 million d'années, on a des homininés, on a des restes fossiles sur l'île de Java en Indonésie, donc c'est quand même assez loin, c'est l'extrême-orient. Et donc on a quand même... dès lors, une documentation importante à partir d'1,8 million d'années par rapport à ces Homo erectus qu'on va trouver en Asie insulaire et en Asie continentale, en Chine notamment. On a des traces de l'activité de ces hommes fossiles autour de 2 millions d'années pour les plus anciennes. Et on a des fossiles, des restes humains dans le site de Yongxian notamment, dans le site de l'ancienne Gongguangling, autour de 1,15 million, 1 million d'années. Jean-Jacques Hublin, peut-être un mot, parce que Homo erectus, effectivement, à Java, mais aussi ce fameux homme de Pékin dont vous allez nous raconter l'histoire, ça, c'est ce qui a ancré pendant un moment cette idée que l'Asie pouvait bel et bien être le berceau de l'humanité. On voulait chercher là-bas, d'ailleurs, les premiers noms, hein, pithécanthrope, synanthrope, ça veut bien dire l'idée qu'on trouve des hommes singes, ou en tout cas que ça perpétue l'idée du maillon manquant. Alors, Hickel, dont je parlais tout à l'heure, et qui imaginait une origine asiatique des hommes, avait créé déjà un terme pour nommer le chaînon manquant, un être intermédiaire entre les grands singes asiatiques et l'homme. Il l'appelait Pithecanthropus halalus. c'est-à-dire l'homme-singe muet, parce qu'il pensait qu'il n'était pas doué de la parole. Ah, l'alus, c'est-à-dire voilà, avec le préfixe privatif voilà. Devant la parole. Et donc, les découvertes de Java, qui ont été faites par Eugène Dubois, donc suivant la pensée d'Eckel, eh bien, ont été intégrées dans ce cadre. Et donc, c'est comme ça que le Pithecanthropus erectus est né. Alors, erectus plutôt qu'alalus, puisque les fossiles que Dubois avait découverts à Java comprenait un fémur qui prouvait le caractère bipède, vertical de cet Homo erectus. Alors les recherches à Java se sont poursuivies jusque la Seconde Guerre mondiale et même ensuite après. Et en particulier, il y a un chercheur allemand qui s'appelle Ralph von Königswald qui a une très très grande influence qui a été très actif à Java. Et alors parallèlement, donc près de Pékin, on a découvert un site. Alors, on l'a découvert de façon assez étonnante. Dans la pharmacopée traditionnelle chinoise, on utilise les os et les dents de vertébrés fossiles pour en faire des médicaments. Donc, on les broie en poudre. C'est censé guérir tout un tas de choses. Et donc, les paléontologues européens, au début du XXe siècle, avaient pris l'habitude d'acheter des fossiles dans les pharmacies traditionnelles pour les envoyer en Europe, pour les collections des musées. Et c'est comme ça que sont apparues les premières dents humaines, enfin, les premières dents d'Homo erectus qui ont été envoyées en Europe. Il y en a une qui est encore en Suède, au musée d'Uppsala, qui est encore conservée de cette époque-là. Et donc, on a enquêté pour essayer de savoir où était la source de ces fameux os de dragon, c'est comme ça qu'on les appelait. Et on est remonté à un site qui est près de Pékin, qui est un karst rempli de niveaux archéologiques avec énormément de fossiles. Et là, il y a eu un projet international très très vaste avant la Seconde Guerre mondiale qui était financé par la Fondation Rockefeller. On a parlé de Teilhard de Chardin, Franz Weidenreich, qui est un grand, très très grand paléontologue allemand, Davidson Black, qui l'avait précédé, un Canadien. Donc on a découvert toute une série de fossiles, et en particulier de crânes d'Homo erectus, qui ont servi vraiment de base à la description de cette espèce. Hein. Les monographies de Weidenreich, c'est vraiment le socle de ce que l'on sait sur Homo erectus en Asie. Alors malheureusement, ce pauvre Weidenreich qui avait dû quitter l'Allemagne à cause de la montée du nazisme, à peine arrivé en Chine, il a été chassé par l'invasion japonaise. Et donc les fossiles de Zhuguodian, ils ont été évacués, mis en caisse. On croit savoir qu'ils ont été chargés sur un bateau qui malheureusement apparemment n'est jamais arrivé nulle part, et donc on soupçonne que ces fossiles sont au fond de la mer de Chine à cause de cette invasion japonaise et de la guerre qui arrivait. Alors régulièrement, tous les 5 ans, 10 ans, il y a un bouquin ou un article qui sort qui explique que non, ils ne sont pas perdus. Alors, tantôt, c'est la veuve d'un marine qui était à Pékin au moment de l'invasion japonaise. Tantôt, quelqu'un qui pense les avoir trouvés quelque part dans les caves du Vatican. Enfin bref, on a régulièrement une réapparition des fossiles, mais pour l'instant, malheureusement, ils sont perdus. Ou dans une caisse à côté de l'Arche perdue, justement, quelque part par là. Non, c'est intéressant, c'est que néanmoins, on a tout de même, grâce à des descriptions minutieuses d'un anatomisme, on sait, on peut vraiment les caractériser, on a pu les définir, hein, parce que à l'origine, le nom donné, c'était Sinanthropus pekiniensis, et ça a été un peu finalement le candidat, le patient zéro ou le maître étalon de la description d'Homo erectus en Asie. Amélie Vialet. Oui, d'ailleurs, j'ai une réflexion un peu générale par rapport à ce qu'on évoque jusqu'à présent. On a du mal aujourd'hui à savoir ce qu'est Homo erectus. Alors aujourd'hui, on va le dire de façon simple, hein, ce sont les non-sapiens, ceux qui précèdent dans cette grande zone qu'est l'Afrique et l'Asie. Mais justement, en effet, à l'époque, au minimum, on peut réduire ce terme aux fossiles donc, qui ont été décrits à Choucoutienne, notamment par Franz Weidenreich, dont les monographies, en effet, vous le disiez, sont très très détaillées. Il y a 121 caractères morphologiques archéologique pour décrire ce qu'est un Homo erectus. Et ce qui est intéressant, maintenant qu'on connaît d'autres fossiles, d'autres sites, c'est qu'on voit que c'est un petit groupe très spécifique, notamment par leur taille. C'est un groupe d'individus de petite taille. Alors, ce n'est pas Flores non plus, hein, mais je veux dire, le crâne est quand même de petite dimension par rapport à d'autres, notamment les fossiles de Jungsian, on en parlait, qui ont 1 million d'années. Eux sont beaucoup plus robustes. Et donc, on a une série de caractères anatomiques qui a permis vraement une description sur la base d'études cladistiques. Hein, donc, vraiment de la répartition des caractères anatomiques qui a permis de distinguer ce groupe des Homo erectus par rapport, par exemple, aux Homo erectus africains. Et donc, vraiment d'avoir une définition assez stricte. Donc, ce sont des individus qui ont une petite stature et qui ont un crâne qui est assez bas, allongé, et puis des gros bourrelets au-dessus des orbites et aussi sur l'arrière-crâne. Donc, vraiment des caractéristiques bien connues à l'époque. Et alors ça, c'est pour une partie donc de ces fossiles et de ces premières recherches que vous évoquiez dans les années 30. Il y a eu cette grande pause et puis il y a une deuxième partie de recherche qui correspond maintenant à des fossiles beaucoup plus récents, à des recherches aussi beaucoup plus récentes de ces 20 dernières années. Mais pour ça, il faut refaire peut-être un petit topo sur la deuxième sortie d'Afrique, Jean-Jacques Hublin, qui est beaucoup plus tardive, beaucoup plus récente et qui est celle de Sapiens. Alors, on a, dans ce schéma polycentrique, multirégional que je décrivais tout à l'heure, on a défendu l'idée que, les Asiatiques actuels descendaient des Homo erectus de Zougoudienne, que les Australiens, les aborigènes australiens, c'était les descendants des pithécanthropes de Java, et que les Européens actuels, c'était aussi les descendants de quelques Néandertaliens un peu particuliers. Et ce modèle-là, il a été très fortement critiqué et même totalement mis en pièce, je peux dire, à partir des années 1980, par là, sur des arguments paléontologiques et des arguments génétiques aussi. Et en gros, ces arguments ont amené à considérer que notre espèce, l'Homo sapiens, avait une ancienneté beaucoup plus grande en Afrique et que tous les peuples actuels de la Terre étaient les descendants de groupes qui étaient sortis d'Afrique. Alors, quand sont-ils sortis d'Afrique? Est-ce qu'ils sont sortis en une fois, en plusieurs fois? Mais disons, sortis d'Afrique au plus tard, il y a environ 50 ou 60 000 ans, mais peut-être bien avant. Et ça, ça a amené à reconsidérer tous les fossiles qu'on connaissait alors et qui existaient en dehors d'Afrique et qui étaient plus récents que les Homo erectus et plus anciens que les Homo sapiens qui peuplent l'Eurasie. Et graduellement, on a élaboré un schéma qui est non plus un schéma linéaire d'évolution locale, mais un schéma buissonnant beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il est apparu depuis une génération ou deux, c'est que au cours, disons, du dernier demi-million d'années, eh bien, on a toute une variété de branches d'hominines très différentes les unes des autres. Les hommes de Néandertal en Europe, par exemple, un groupe un peu mystérieux qui a peuplé l'Asie, qu'on appelle les Denisoviens, dont on parlera tout à l'heure, et puis cette branche africaine qui a donné notre espace, et puis d'autres encore. Et dans le fond, l'histoire de l'évolution humaine dans cette période la plus récente du Pléistocène, eh bien, c'est la diversification de toutes ces branches, et puis à un moment donné, la sortie d'Afrique de notre espèce et le remplacement de toutes ces branches. Alors, remplacement avec un petit peu d'absorption, parfois, mais essentiellement un remplacement. Et donc, on est aujourd'hui dans une phase où, singulièrement avec les fossiles asiatiques, on est en train de les, si je peux dire, de les reclasser dans ce schéma-là pour essayer de les comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Amélie Vieillet, il n'y a plus l'once, et notamment grâce au progrès de la génétique et de la paléogénétique, il n'y a plus l'once d'un doute sur le fait qu'effectivement, ces branches-là n'ont pas évolué chacune de leur côté pour donner naissance à une nouvelle espèce. Aujourd'hui, nous sommes tous, effectivement, comme vient de le dire Jean-Jacques Hublin, les descendants de ces lignées d'Homo sapiens sortis d'Afrique. Oui, nous sommes tous des Homo sapiens, c'est sûr. On vient tous d'Afrique, c'est certain. La paléogénétique l'a montré. C'est un des rares cas en paléanthropologie où la paléontologie, c'est-à-dire les fossiles, et la paléogénétique s'accordent. Il faut le noter. Et en revanche, avec la paléogénétique, on ne peut pas monter très très loin dans le temps. Hein, vous savez, parce que l'ADN se détruit, voilà. Mais je crois que le grand apport de la paléogénétique aujourd'hui, c'est de montrer que la situation est extrêmement complexe. C'est surtout ça. C'est qu'avant que nous ne soyons plus que des sapiens sur Terre, il y a eu en effet une biodiversité à laquelle on ne s'attendait pas. Et des métissages. Exactement. Ça, on peut le voir et on en reparlera tout à l'heure. Un mot pour parler justement un peu de ces nouvelles recherches récentes depuis le début des années 2000 en Asie. Quelles sont les découvertes donc qui sont faites et qui permettent justement petit à petit de compléter, de décrire cette évolution buissonnante que vous évoquiez à l'instant, Jean-Jacques Hublin ? Alors, il y a essentiellement trois découvertes qui ont fortement remis en cause le modèle multirégional en Asie. Il y a eu dans l'Altaï, en Sibérie, la découverte d'un groupe d'hommes fossiles qui apparaît comme, on appelle ça un groupe frère dans le jargon paléanthropologique, hein, c'est-à-dire une espèce de bifurcation des hommes de Néandertal, mais en Asie. Et ce groupe, il a été identifié grâce à de l'ADN ancien, et non pas grâce à des fossiles très spectaculaires. Mais c'est en extrayant de l'ADN qu'on s'est rendu compte qu'on avait quelque chose qui n'était pas de l'Homo sapiens et qui était proche des Néandertaliens sans être des Néandertaliens. Donc on a ce groupe qui a été identifié dans la grotte de Denisova, pour donner son nom. On va remettre d'ailleurs Denisova, le lien vers qu'on connaît assez mal sur le plan morphologique. Et récemment, cette année, nous avons publié une mandibule qui vient du Tibet. Vous et vos équipes, hein. Et qu'on peut rattacher à ce groupe de Denisoviens. Alors non pas grâce à la paléogénétique, mais grâce à la paléoprotéomique. C'est-à-dire ce qu'on a repéré, c'est des ressemblances dans des protéines et non pas dans l'ADN. Mais les protéines sont fabriquées à partir d'un codage de l'ADN, bien sûr. Moi, je soupçonne, et je ne suis pas le seul, hein, qu'une grande partie des fossiles qu'on connaît dans le nord de la Chine, et probablement pas que dans le nord de la Chine, qui ne sont pas des Homo erectus, qui ont l'air un peu néandertaliens parfois, mais pas complètement, sont justement ces Denisoviens. Il y en a beaucoup de ces fossiles qui ne sont pas tout à fait attribués ? Il y en a pas mal, je dirais une bonne douzaine. Mm-hmm. Enfin, ça dépend comment on compte, par gisement, par fossile. Il y a des gisements, il y a beaucoup de dents, hein, ça fait beaucoup d'individus. Donc ça a été une découverte très très importante. Puis alors, il y a deux autres découvertes qui ont été, alors là, complètement inattendues. Dans l'île de Flores, donc, qui est une île indonésienne au-delà de Bali, là-bas, assez loin, eh bien, on a découvert un petit bonhomme tout à fait surprenant qui vivait il y a encore pas très longtemps, il y a 50 000 ans, dans cette île qui fait à peine un mètre de hauteur, qui a un tout petit cerveau, à peine de la taille de celui d'un australopithèque, qui a des caractères, des membres assez curieux, des pieds, des jambes un peu bizarres, mais en même temps des caractères très dérivés. Mmh. Et de l'anisme insulaire. Voilà. Et on soupçonne que cet être, en fait, c'est probablement, il y a plusieurs hypothèses, mais c'est plus probablement un Homo erectus isolé dans ces îles qui a évolué en subissant ce fameux nanisme insulaire. Des rives génétiques. En réduisant de taille, en s'adaptant à des conditions de faibles ressources. Et alors, très récemment, cette année, on a publié quelque chose qui est un peu similaire dans l'île de Luçon, aux Philippines, qu'on a appelé Homo luçonensis, et qui rappelle un petit peu la découverte de Flores, mais avec une combinaison de caractères différentes. Hein. Donc des caractères très primitifs qui rappellent les australopithèques et puis aussi des caractères très dérivés. Par exemple, la taille de la denture, c'est une taille des dents qui ressemblent aux vôtres, hein, aux miennes aussi. Et alors, on ne peut pas l'appeler Homo floresiensis parce qu'il est un petit peu différent. Les restes sont très fragmentaires, donc je pense qu'il faudra attendre d'autres découvertes pour avoir un portrait plus complet. Flores, on a vraiment quasiment un squelette complet, hein, donc on a une très très bonne idée de son anatomie. Luçonensis, il faudra peut-être attendre un petit peu. Mais vous voyez que déjà avec les Denisoviens, l'Homo floresiensis, l'Homo luçonensis, on a déjà trois branches qui ne sont ni des Homo erectus bontins, si je peux dire, ni des Homo sapiens. Donc on a déjà cinq groupes en Asie, dont au moins trois ou quatre se chevauchent dans le temps de façon très importante. Et dont on sait, et on en reparlera aussi, qu'il y a eu aussi des échanges génétiques vraisemblablement avec Sapiens, puisqu'on retrouve du patrimoine génétique, notamment de Denisova, Alors, j'insiste là-dessus parce que aujourd'hui, évidemment, il y a une seule espèce humaine sur Terre. Et c'est une espèce qui est très, très homogène parce qu'elle a une origine récente. Et toutes les populations actuelles, dans le fond, un ancêtre commun dans le temps assez proche. C'est une notion qui nous paraît complètement naturelle. En réalité, c'est un état de fait qui est totalement exceptionnel à l'échelle des temps géologiques. C'est-à-dire que si on remonte, disons, au-delà de 40 ou 50 000 ans, ça n'a jamais été comme ça. On a eu toujours plusieurs espèces humaines vivant sur des continents différents, mais parfois sur le même continent. Et ça, c'est quelque chose qu'on a énormément de mal à accepter sur le plan philosophique, idéologique. Parce qu'on phylogénétique même. Parce qu'on tient... Non, mais y a un enjeu qui est non scientifique. C'est-à-dire la notion d'unicité de l'humanité et la notion d'exceptionnalité de l'humanité, c'est quelque chose qui est profondément enraciné dans toutes les cultures humaines. Et puis, alors, sur le plan scientifique, on a du mal à comprendre comment ces formes qui n'ont pas encore été complètement isolées sur le plan reproductif, donc qui ont gardé une capacité d'hybridation, dans le fond, maintiennent leur autonomie, si je peux dire. Et c'est un problème, d'ailleurs, en biologie, qui va au-delà des hominines. C'est-à-dire que la notion suivant laquelle les espèces se définissent par l'isolement reproductif, c'est une notion qui est complètement remise en cause aujourd'hui, à cause des études sur le génome de, pas seulement des hommes, mais de dizaines d'espèces de mammifères qui montrent que ces échanges de gènes entre des espèces proches, c'est quelque chose de très banal, mais en même temps, il existe des mécanismes qui font que ces entités continuent à évoluer de façon autonome et séparée, sans se fusionner. Et d'ailleurs, ça reste cette question de savoir pourquoi et comment il ne reste qu'une espèce. Ça agite beaucoup. Il y a des publications récentes, je pense à une publication sur la fertilité, je crois, de Néandertal qui a évoqué, ça n'a pas l'air de vous convaincre cette étude sur Jean-Jacques Hublin, mais qui évoquait peut-être une baisse de fertilité chez Néandertal qui aurait pu expliquer petit à petit l'appauvrissement génétique. Bah, c'est-à-dire que moi, ce qui me dérange dans tout ce genre d'études, c'est qu'on essaie de trouver une explication ad hoc pour l'extinction de tel groupe, tel autre groupe. Or, il y a un phénomène majeur qui est que quand ces Homo sapiens arrivent à peu près n'importe où, les populations locales disparaissent. Alors, on peut toujours s'amuser à trouver des histoires de rayons cosmiques, d'éruptions volcaniques ou de baisse de la fécondité. Mais de mon point de vue, je pense que l'arrivée d'Homo sapiens est la cause déterminante. Et d'ailleurs, encore une fois, je reviens à cette notion que notre espèce Homo sapiens, qui est seule sur Terre aujourd'hui, dans le fond, représente un cas unique dans l'évolution des hominines et que cette situation-là ne s'est jamais présentée dans le passé. Et donc, il y a bien quelque chose de particulier qui se passe dans notre façon d'exploiter l'environnement, dans notre façon de, non pas seulement de conduire à l'extinction d'autres groupes d'hominines, mais beaucoup d'autres formes vivantes, beaucoup d'autres espèces. Il y a quelque chose d'un peu délétère dans notre espèce. Amélie Vialet, votre opinion justement sur la fin de ce buisson pour un arbre à flèche unique avec une seule espèce. Vous pensez aussi que, comme l'a dit Jean-Jacques Hublin, vraisemblablement Homo sapiens, c'était une espèce manifestement un peu belliqueuse. Sans doute, on n'a pas de traces trop archéologiques là-dessus, mais en tout cas, c'est vrai que... J'ai pas dit belliqueuse. En tout cas, c'est vrai délétère, délétère, pareil. Je suis d'accord avec l'idée que l'homme, c'est de la biologie, bien sûr, mais c'est de la culture, et que je crois qu'Homo sapiens, c'est un exemple vraiment spectaculaire pour ça. Donc, sans doute... J'ai perdu le fil de ce que je disais. Non, mais sur ces différents sur ces différentes branches, et puis on va revenir justement sur comment toutes ces espèces ont interagi les unes avec les autres, mais sur votre regard de ce paysage nouveau que la paléoanthropologie a, a révélé en Asie ces dernières comme, années. Comme on le disait, c'est vrai qu'il y a cette surprise quand même de découvrir cette biodiversité très importante avant l'hégémonie sapiens, on va dire. Après, c'est vrai qu'il est quand même très facile de concevoir que toutes ces espèces, peut-être elles n'étaient pas démographiquement très viables et qu'à ce moment-là, dès qu'il y a un événement extérieur, quel qu'il soit, en effet, rayonnement cosmique ou arrivée d'un étranger, ça va déstabiliser. Et c'est aussi des maillages de territoire que ça va déstructurer. Donc finalement, ces espèces disparaissent de façon sans doute très naturelle. Ouais. Par rapport à Homo erectus, puisqu'on sait, on a beaucoup, donc on l'a dit tout à l'heure, beaucoup de traces d'Homo erectus en Asie. Aujourd'hui, les dernières traces, les traces les plus récentes d'Homo erectus, est-ce qu'on constate, est-ce qu'on a des traces justement paléo-anthropologiques ou paléogénétiques qui montrent bien un appauvrissement, un espacement des différents groupes, une réduction du nombre de groupes de ces... Mais c'est vrai que ce sont peut-être les îles qui sont les plus indiquées, parce que ce sont des petits laboratoires finalement, les îles. Et donc, c'est vrai qu'à Java, où on a la chance d'avoir une espèce de registre fossile continu depuis 1,5 million d'années, ce qui est exceptionnel, sur la fin, je veux dire, aux alentours de 50 000 ans, on a ces homininés des groupes qu'on appelle Ngandong, Gawi, etc., qui ont l'air d'être en voie d'extinction. On le voit par exemple par rapport à certains caractères sur l'endocrâne, c'est-à-dire quasiment sur leur cerveau. Ils ont des lobes frontaux qui sont très peu développés, alors qu'on est à 50 000 ans et que là, pour le coup, Sapiens a complètement développé les siens, si je puis dire. Voilà, donc oui, on a des signes de ces extinctions dans des contextes très particuliers. Jean-Jacques Blin ? Oui, moi je suis un peu sceptique sur tout ça. On parlait tout à l'heure de la baisse de la fécondité chez les Néandertaliens. Il n'y a absolument aucune trace matérielle de ça. C'est-à-dire que l'étude à laquelle vous faites référence, c'est une modélisation de qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait une baisse de la natalité. Et donc, oui, ils auraient disparu. Mais ça ne se fonde pas sur une observation. Donc, on peut modéliser tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qui se serait passé s'ils étaient morts à 10 ans avant de se reproduire? Oui, ils auraient disparu aussi. Je caricature un petit peu. Je crois que c'est très difficile de faire de la paléodémographie. Ce qu'on sait, alors, on a des données paléogénétiques sur les Néandertaliens et sur les Denisoviens, qui montrent que ce sont quand même des populations qui sont peu nombreuses. C'est-à-dire, on a des données sur la diversité génétique qui suggèrent que ça n'a jamais été des populations très très nombreuses. Donc, il est certain que ces populations-là, dans une concurrence avec une autre espèce, eh bien, elles sont exposées effectivement à une disparition. Mais encore une fois, je pense que dans le fond, ça nous arrange un peu de penser que c'est pas nous qui sommes responsables de leur disparition, mais je sais pas qui ça arrange d'ailleurs. Ce qui semble être le caractère qui est le caractère concomitant de cette disparition, c'est quand même l'arrivée de ces Homo sapiens. Alors pas des Homo sapiens d'il y a 200 000 ans, mais ceux d'il y a 50 000 ans. Probablement que dans leur, vous savez, c'est un phénomène qu'on connaît. Dans la nature aujourd'hui avec ce qu'on appelle les espèces invasives. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une espèce d'écrevisse ou de crapaud ou de n'importe quoi qu'on a malencontreusement importé d'un continent dans un autre. Et à ce moment-là, il suffit qu'il y ait un succès reproductif un peu plus grand pour cette espèce exogène pour que graduellement, parfois assez rapidement, elle remplace une espèce autochtone. Donc, il est probable qu'avec ces Homo sapiens récents, ceux qui sont sortis d'Afrique et qui, à partir de 50 000, se répandent dans les moyennes latitudes, eh bien, dans leur organisation sociale, dans leur économie, dans leur façon d'exploiter l'environnement, il y a quelque chose qui fait qu'ils ont un succès reproductif un peu plus grand que celui des populations locales. Et ensuite, voilà, on peut imaginer tout un mixte de facteurs qui font que les uns remplacent les autres. L'espèce humaine, première espèce invasive de l'histoire de cette planète, c'est pas merveilleux. 1, 2, 3, 4. Shake your shoulders, move your Caveman de Sunny Night and the Lakers sur France Culture à 16h40. Bien oui, quand on parle eh bien de ce landau asiatique de l'humanité, pour faire écho au berceau africain, nous en parlons avec Jean-Jacques Hublin, qui est paléoanthropologue, professeur au Max Planck Institute à Leipzig et titulaire de la chaire de paléoanthropologie au Collège de France, et Amélie Vialet, qui est maître de conférence en paléoanthropologie au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors, Jean-Jacques Hublin utilisait tout à l'heure, enfin c'est moi qui utilisais les propos que vous aviez employés, l'expression de « belle au bois dormant » asiatique pour cette Asie que l'on redécouvre, dont on redécouvre eh bien la diversité des populations dominines, comme vous l'avez évoqué dans cette première partie de l'émission. Eh bien, vous n'êtes pas seul à vouloir la réveiller, cette belle au bois dormant. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes allé à la rencontre d'un chercheur en paléanthropologie qui fait du sud-est asiatique sa spécialité. Oui, il s'agit de Valérie Zetoun, qui est directeur de recherche CNRS au Centre de Recherche en Paléontologie, le CR2P de Sorbonne Université et du Muséum d'Histoire Naturelle. Il a fait de l'Asie du Sud-Est son terrain de prédilection, et il a mené des recherches au Cambodge et en Thaïlande, entre autres. Il nous explique en quoi consistent ses travaux de fouilles et quels sont pour lui les enjeux de la recherche en paléoanthropologie dans cette région du globe. J'ai donc été en Thaïlande et au Cambodge. Et là, alors pour le Cambodge, on est sur un site qui est en fait une reprise de fouilles qui s'était terminée à cause des événements politiques dans les années 90. Donc la grotte de Langspin au Cambodge, où on a toute une stratie qui fait maintenant 8 mètres, avec une ouverture du site importante, qui sert aussi de plateforme de pédagogique hein, pour des étudiants. Et là, on a trouvé alors des niveaux néolithiques, 3000 ans, c'est pas terrible, hein, on va dire, entre guillemets, et on a des niveaux jusqu'à 120 000 ans. Donc là, ce qui est intéressant dans ce cas précis, c'est qu'on a une séquence continue, donc on a des archives, et donc il faut les lire maintenant, hein. Et sinon, en Thaïlande, alors là, on sort du domaine de la paléanthropologie. Et là, on est tombé sur, après avoir trouvé une grotte où il y avait des stégodons, des choses comme ça, avec d'ailleurs des choses intéressantes pour la paléobiodiversité, puisqu'on arrive à voir que même sous les tropiques, on a une récurrence d'un signal phonique, donc vraisemblablement écologique aussi. Donc ça, c'était une chose, quelque chose de l'ordre de 30 000 ans. Et là, on est sur des sites qui ont au moins 13 000 ans, et pour lesquels on a des sépultures qui sont associées à de l'ocre rouge, et qui sont à côté de parois où il y a des peintures. Vous voyez, on est quand même loin des des questionnements paléanthropologiques, mais voilà, il faut aussi répondre à ces questions plus récentes. Et les prochaines expéditions, du coup, que vous allez faire, en quoi elles vont consister, et qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Alors, on poursuit ces travaux, toujours, hein, parce qu'une fois encore, hein, c'est des travaux alors collectifs, qui impliquent des étudiants, donc tous les ans, on remet ça. Et là, je pense qu'on est reparti pour 4 ans. Alors, quand je dis 4 ans, c'est malheureusement pas 365 jours par an. C'est souvent des campagnes qui se résument à un mois ou deux par an, entre le terrain lui-même et l'analyse du matériel. Donc ça sera pour le mois, donc, mois d'août. Je serai plutôt en Iran, là, avec mon collègue Gilles Rion. Et là, on va fouiller une grotte qui est chargée de matériel lithique et auquel on associe généralement le néandertalien. Donc, on a quelques espoirs d'en trouver. Quelles sont vos attentes concernant l'évolution de la discipline dans cette partie du globe? Et est-ce que, à quel moment, finalement, selon vous, on se trouve en ce moment? Alors, on se trouve à un point, je dirais, favorable, puisque les récentes découvertes sont, on va dire, des petites lumières qui clignotent, qui font qu'on va plus oublier cette zone. puisqu'on l'avait quand même oublié depuis longtemps. Là où c'est favorable, c'est qu'il y a tous ces nouveaux outils qui sont la génomique, la protéomique, mais pas seulement, parce que pour faire ça, il faut d'abord trouver le matériel, il faut trouver les sites, les fouiller, et puis ça prend du temps. Il faut pas oublier que la première ligne de travaux, ça reste le terrain, la fouille en partenariat, et ensuite vont se greffer tous les modes d'analyse possibles et dont on dispose. Avec là aussi un vrai devoir, c'est que toutes ces analyses sont effectivement très intéressantes, que ce soit la génomique, la génétique, ou même le fait de faire des scanners. Mais toutes ces approches ne sont pas neutres non plus, puisque on va altérer ou détruire une partie du matériel pour avoir des résultats. Alors ça, c'est une vraie question éthique aussi. Et ça, moi, je renvoie toujours à ce que j'ai appris quand j'étais plus jeune, quand on fouillait des sites. C'est-à-dire qu'il fallait toujours laisser une zone de terrain vierge en attendant que il y ait de nouveaux développements méthodologiques liés à la physique, la chimie ou autre, pour que les futures générations puissent, elles, travailler. L'émission s'appelle La méthode scientifique. En termes de méthodologie, est-ce qu'il y a des contraintes propres au terrain de recherche asiatique, et comment est-ce qu'on s'adapte aux conditions dans ces recherches? Il faut avoir des partenariats qui aient la capacité, qui aient les connaissances. Sinon, on essaye d'enseigner ces connaissances quand elles font défaut. Et notamment pour ce qui est des fouilles, on était un petit peu, j'irais, dans cette ère-là. Alors, soit dans des approches très anciennes, chronologiquement, c'est-à-dire comme il y a 100 ans, c'est-à-dire que c'était, les gens ne fouillaient pas, ils creusaient. Et puis, il y a notre école à nous, française en particulier, qui est alors plus laborieuse. C'est-à-dire qu'il faut installer des carroyages, il faut accéder au site, hein, évidemment, il faut installer des carroyages, ensuite il faut fouiller en X, Y, Z, c'est-à-dire qu'il faut, d'une façon ou d'une autre, pouvoir restituer la position des objets dans l'espace, dans la mesure où, et ça c'est la règle de base, dans la mesure où quand on fouille, on détruit le site, de fait. Donc il faut absolument enregistrer toute l'information pour être en capacité de l'utiliser a posteriori. Il y a même des sites où on n'arrive pas à lire dans le terrain. Alors ça, c'est un des problèmes de la région. La stratigraphie est effacée à cause de la bréchification ou d'autres phénomènes d'homogénéisation des sédiments. Et du coup, il y a que comme ça, en repérant les objets dans l'espace, qu'on peut restituer a posteriori des stratigraphies. Donc c'est primordial. Alors après, il y a des choses qui sont répétées souvent. Alors c'est pas tout à fait exact, mais on a tendance à dire que sous les tropiques, notamment, il y a un problème dans la nature des sols. C'est vrai qu'on a un souci sur, par exemple, la palynologie. On se dit. La palynologie, on rappelle que c'est l'étude des pollens, c'est ça? L'étude des pollens, ouais. On a très très peu d'enregistrements de ce genre d'indices. Alors c'est d'autant plus embêtant qu'on est dans un milieu foresté et tropical. Et dans la mesure où il y a un grand spectre végétal, on pourrait se dire qu'on pourrait avoir des indices grâce à la palynologie. Malheureusement, c'est pas le cas. L'enregistrement se fait pas bien. Et puis après, il y a d'autres cas particuliers comme l'Indonésie où là il y a le volcanisme qui intervient. Alors ça peut bien préserver, mais en même temps détruire. Donc ça, c'est un problème pour le moment. En même temps, c'est pareil. On a vu aussi pour la génomique, même la génétique avant, c'était plus facile d'avoir des résultats en milieu aride, sec ou froid d'ailleurs, mais aride. Là, on est dans un milieu humide, donc c'est compliqué, mais ces domaines-là font des progrès, donc on peut espérer avoir des résultats à terme. Mais voilà, en tout cas, je pense que ce qui est intéressant, c'est que tout est en construction dans la région, en Asie du Sud-Est. Voilà, tout est en construction dans cette région de l'Asie du Sud-Est. Une réaction, peut-être juste l'un et l'autre, à ce que vous venez d'entendre, Amélie Viallet? Oui, c'est certain. Alors moi, je connais un peu plus l'Asie continentale, mais finalement, on se rend compte que le potentiel est tout aussi énorme du fait de la superficie, déjà, et puis du fait des récentes découvertes. On en a parlé. Moi, je trouve que ce qui est vraiment étonnant, j'étais sur les bancs de l'université il y a une vingtaine d'années, et jamais on parlait de caractère néandertalien pour des fossiles ou des groupes qui se situaient en Chine, qui étaient exclusivement réservés aux Homo erectus, comme on les a bien décrits avec Franz Weidenreich, notamment, comme on l'a expliqué. Donc, il y a vraiment beaucoup de nouveautés qui émergent de l'ensemble de ces terrains, notamment, on l'a dit, en paléobiodiversité. Jean-Luc Blin. Oui, alors il y a un effort sur le terrain qui est considérable. Donc on a parlé des travaux de Florent Détroit, aux Philippines, qui a trouvé cet Homo lucenensis, donc Valérie Zetoun qu'on vient d'entendre. L'équipe qui travaille avec Fabrice Demeter au Laos qui trouvent aussi dans le gisement de Tampaling des restes fossiles très intéressants, qui documentent les Homo sapiens anciens. Donc il y a cet effort sur le terrain, et je pense que, vous savez, les paléoanthropologues aiment bien chercher là où on trouve. L'effet magnétique des sites de fouilles. Je pense que ces découvertes vont attirer d'autres chercheurs dans la région. Et puis alors, il y a aussi, sur le plan méthodologique, des voies qui s'ouvrent et qui vont permettre de réinterpréter du matériel qu'on a déjà. Alors, on a beaucoup parlé d'ADN ancien. L'ADN ancien, c'est très intéressant. Malheureusement, ça ne se conserve pas très longtemps, oui. Surtout dans les zones chaudes, les zones tropicales. Et notre article de Nature sur ce Denisovien du Tibet, on a pu identifier ce Denisovien grâce à la paléoprotéomique. Or, la paléoprotéomique, ça consiste non pas à chercher à extraire de l'ADN, mais des protéines anciennes, à les séquencer pour faire une phylogénie des protéines, comme on fait une phylogénie de l'ADN. Les protéines, certaines d'entre elles, par exemple certaines formes de collagène, se conservent, on pense, à peu près 10 fois plus longtemps que l'ADN. Collagène qui est dans la peau, hein. Ah, pas que dans la peau, il y en a partout. Oui. Il y en a dans les membranes cellulaires. Il y en a énormément du collagène. Et donc, là, c'est une voie de recherche qui est en train de s'ouvrir. On a récemment un de mes anciens étudiants, mais il n'est plus étudiant, il est post-doc maintenant à Copenhague, a travaillé par exemple sur le gisement de Dmanisi dont on parlait tout à l'heure. Donc, il y a ce gisement en Géorgie où on a les plus anciens hominines en dehors d'Afrique. À Dmanisi, on a des protéines conservées. Alors, pour l'instant, ce qui est publié, sont des protéines de rhinocéros. Mais s'il y a des protéines de rhinocéros, je pense qu'il y aura des protéines d'autre chose. Donc là, on va avoir, avec ces méthodes, une façon de re-explorer, de réinterpréter des fossiles anciens. Par exemple, tous ces fossiles chinois dont je pense qu'ils sont pour certains des Denisoviens, on va pouvoir les réexaminer. Et alors enfin, il y a la génétique des populations actuelles, où on essaie de découvrir des traces d'hybridation ancienne avec toutes ces formes archaïques. Et par exemple, pour les Denisoviens, on a un papier qui est sorti très récemment. François-Xavier Rico. Comment ? C'est celui de François-Xavier Rico sur le métissage avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée ? Oui, où on montre que, en fait, probablement, il y a deux groupes, dans la boîte denisovienne, on a probablement deux groupes assez différents, séparés depuis peut-être 300 000 ans. Et donc voilà, toutes ces méthodes-là, elles se conjuguent pour, dans le fond, donner une image à la fois plus complexe et plus précise du passé de l'homme en Asie. Pour rétrécir à cette dernière époque, à ce qu'on appelle l'Homo sapiens tardif aujourd'hui, quel est le panorama que l'on peut dessiner ? Il y a différents sites de fouilles qui montrent l'arrivée de l'homme moderne sur l'Asie continentale. Amélie Vialet, comment est-ce qu'on comprend aujourd'hui cette arrivée progressive d'Homo sapiens, de l'homme moderne en fait en Asie ? Ben là encore, c'est vrai que les éléments qu'on a montrent que l'expansion depuis l'Afrique, elle a été assez rapide. On a des Homo sapiens au sens strict, on va dire autour de 200 000 ans en Afrique de l'Est. Jean-Jacques Hublin parlera sans doute de l'Afrique du Nord où on a des éléments un peu plus anciens. Jebel Iroud. Voilà. De ce fait, voilà, on est autour de 200 000 ans, on va dire, pour l'Afrique de l'Est. Et on a tout de suite en Chine du Sud et sur certaines îles donc d'Asie du Sud-Est des fossiles autour de 120, 100 000 ans, 80 000 ans. Donc l'expansion, elle est tout de même assez rapide et finalement. Ça, c'est aussi un phénomène qu'on a du mal, nous, à apprécier et qui semble une réalité. On l'a vu pour les Homo erectus ou pour les hominines les plus anciens. On le voit pour les sapiens dont on a des jalons très rapidement en Chine continentale, en Asie continentale et insulaire. On a cru longtemps que Homo sapiens avait suivi la côte. Manifestement, aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas. On voit que l'Homo sapiens s'est vraiment réparti partout, y compris en passant par les voies des terres intérieures. Oui, sans doute, parce que c'est vrai qu'on l'a assez vite en Asie continentale, notamment. Alors, oui, Jean-Jacques Hublin. Oui, alors il y a deux l'expansion d'Homo sapiens en Asie. Il faut vraiment distinguer deux zones. Hein. Il y a la zone tropicale, où là, oui, probablement, il y a 80 000 ans, quelque chose comme ça, on a déjà des Homo sapiens qui sont, j'allais dire, au bout de l'Asie. Hein. Alors quand on remonte vers le nord, c'est un autre paysage, hein, puisque on a ces Denisoviens dont certains sont beaucoup plus tardifs que ça. Et disons que le marqueur de l'arrivée de ce qu'on appelle l'homme moderne, un peu malencontreusement, dans le nord de l'Asie, enfin quand je dis le nord de l'Asie, je pense à l'Altaï, le nord de la Chine, la Mongolie, tout ce qui se passe au-dessus de l'Himalaya et du Tibet en latitude, là c'est... Disons que le marqueur qu'on a pour l'instant, c'est plutôt un marqueur archéologique qu'on appelle du paléolithique supérieur initial et qu'on voit se répandre à toute vitesse, disons entre 48 000 et 45 000, 44 000. Ça commence dans le sud-est asiatique, Israël, la Turquie. Mmh. Et puis ces gens-là, on va les trouver presque tout de suite depuis l'Europe centrale jusqu'à l'Altaï. Et c'est eux qui vont remplacer les Denisoviens, certainement en Asie. Hein. Donc on a d'ailleurs en Asie quelque chose qui est un peu comparable d'une certaine façon à ce qu'on a dans l'ouest de l'Eurasie. Puisque dans l'ouest de l'Eurasie, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que autant au Proche-Orient, on a des Homo sapiens qui apparaissent déjà il y a 180 000 ans, 120 000 ans. On a des fossiles qu'on attribue à notre espèce. Maintenant, quand on monte dans les moyennes latitudes, hein, chez nous, en Europe occidentale, alors là, c'est une histoire beaucoup plus récente. Ça se joue entre 45 000 et 40 000. Mmh. Est-ce qu'il y a des travaux de recherche? Parce que donc, on entend bien que l'Asie du Sud-Est, tout ça aujourd'hui attire de plus en plus de monde et de plus en plus de travaux de recherche. Quid de l'Asie centrale? On sait qu'il y a peu de travaux, peu de recherches en Inde, peu dans les anciennes républiques soviétiques. Aujourd'hui, il y a du travail, il y a peut-être un terrain à exploiter de ce côté-là, Amélie Viallet? Ah oui, c'est sûr, c'est un peu la terra incognita pour l'instant. Je voulais juste signaler au passage qu'on a quand même beaucoup parlé d'équipe française, donc c'est quand même une tradition de la préhistoire française que d'être présente dans ces régions. C'est sûr, plutôt Asie du Sud-Est qu'Asie centrale, je pense, pour des raisons d'accès, pour des raisons de formation, pour des raisons sans doute politiques, mais bien évidemment, ça nous réserve encore beaucoup de surprises. Et on a Kazakhstan, en Ouzbékistan, on a des sites, on a des formations. Des sites avec quel type avec de fossiles? Avec de l'industrie. Donc l'industrie, elle a été fabriquée par des hommes. Hein. Donc je pense que tôt ou tard, on va avoir des découvertes d'hominines. Alors il y a quelques sites en grotte qui sont connus hein, en Asie centrale, qui ont été fouillés, qui ont livré des restes fossiles. Teshiktash, un néandertalien, Obirakmat, des sites comme ça. Les Russes continuent à être actifs dans cette région-là, mais il y a beaucoup de collaborations. Donc moi, je suis optimiste pour l'Asie centrale aussi. Hein. Écoutez, on suivra ça de toute façon, évidemment, avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup Amélie Viallet, merci Jean-Jacques Hublin d'être venu nous parler de ce landau asiatique de l'humanité qui, on l'a entendu, va nous réserver quelques publications dans les mois à venir encore. Certainement, en tout cas, on suivra ça comme toujours avec beaucoup d'intérêt. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Antoine Beauchamp, Éléonore Pérez, Céline Lozen, Eve Etienne, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Laurence Malonda à la réalisation et Anthony Thomasson à la technique. Demain, dans le prochain épisode de La Méthode Scientifique, nous reparlerons d'une entité astronomique que l'on dit victime de la plus grande injustice de l'histoire de l'astrophysique. Il sera question de l'ex-9e planète du système solaire Pluton, déclassée au rang de planète naine et qui suscite un tout nouveau regain d'intérêt après le passage de la sonde New Horizons et peut-être un océan souterrain. On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.